Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 25 avril. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant de la grosse nouvelle qui a été sortie hier par nos amis dans le vestiaire à l'émission dans le vestiaire à CKJ, animée par Michel Thibault et Dominique Bauduc. C'est que après une absence de un peu plus de 10 ans, la Ligue Junior 3 fait son retour dans la Ligue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'équipe va avoir son domicile à la baie et sera administrée par le cégep de Chicoutimi. On va tenter d'ailleurs au cours des prochains jours de parler avec l'un des responsables de la Ligue Junior 3 pour en savoir davantage sur cette nouvelle. C'est quand même une nouvelle assez importante. On sait qu'il y a environ une dizaine d'années, le multi-concessionnaire de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien, avait évolué pendant 4 ans dans cette ligue. Maintenant, Ville-d'Alma va recevoir encore une fois en fin de semaine la crème du hockey scolaire. En entrevue sur les ondes de danradiosport.com, l'un des responsables du tournoi, Jean-Normand Tremblay, explique que c'est vraiment la crème du hockey scolaire au Québec qui va être à Alma au cours des prochains jours. On reçoit 24 meilleures équipes là, des trois catégories, Benjamin, Cadet et Juvenil, donc 8 équipes par catégorie de Division 1. Des équipes d'un peu partout au Québec, là, de Gatineau au Lac-Saint-Jean. Donc c'est là que j'aime, c'est les meilleures équipes là, de chaque catégorie. OK. Et Ville-d'Alma a tellement bien organisé le tournoi qu'on a décidé de donner un tournoi pratiquement annuel à Ville-d'Alma pour le hockey scolaire. Troisième édition, en fait, c'est la troisième année consécutive qu'on reçoit le tournoi. Puis normalement, là, la première année, qu'est-ce que la RSEQ a voulu faire, c'est un peu créer son propre championnat provincial. Parce que avant, là, on faisait partie de la Coupe Dutch. La première année, quand ils ont voulu créer leur propre championnat provincial, nous, on s'est portés volontaires. On a été, donc, ils nous ont attribué le championnat. Puis sauf que à la base, c'était supposé être un changement d'endroit, donc à chaque année. Sauf que quand on est arrivé à la table, là, à table de réunion donc provinciale au mois de mai, donc qui était comme un mois après la première édition du championnat, c'était vraiment unanime. Là, les gens avaient adoré leur expérience à Alma. Ils avaient vraiment trippé sur le comité, sur l'aspect des bénévoles, donc comment qu'on s'occupait bien des équipes. Donc c'était unanime. Tout le monde, quand ils ont posé la question qui veut le championnat provincial, tout le monde s'est tourné vers nous. Alma, est-ce que vous le voulez encore? Ben, OK, on va le prendre. Donc, c'est un peu comme bon ça que ça s'est passé. C'est bon du coup. Parlons de lutte maintenant. La lutte du CW va s'arrêter à Shibuyama au cours du week-end. Et en entrevue sur les ondes de danadiosport.com, Yannick Harvey, qui est l'un des responsables du gala, explique évidemment que pour la première fois, il y aura un numéro qui sera fait par les lutteurs de la lutte du CW à Shibuyama. Dont un tout nouveau combat jamais présenté à la JCW, qui est le combat JCW déchaîné. Qui implique dans le fond 6 lutteurs, dont 2 qui commencent le combat dans le ring, puis les 4 autres dans le fond sont menottés aux 4 poteaux du ring à l'extérieur, bien sûr en bas du tapis. Puis après un certain temps, on parle d'environ 3-4 minutes, il y a un décompte qui va apparaître sur l'écran géant. Puis okay. Après le décompte, dans le fond, il y a la musique d'un des lutteurs qui va jouer, puis dans ce lutteur-là va être justement déchaîné d'une certaine façon pour rentrer dans le combat. C'est un combat d'élimination sans disqualification, ce qui signifie que les chaises, les tables, les armes cachées en ligne pour un petit. On attend pas moins de 400 personnes pour le gala dans la fin de semaine. Il y a de la musique, il y a de l'éclairage, son lumière, toute la patente, donc là, pour un gros spectacle de cette envergure-là. Puis les deux dernières représentations qui ont été faites en 2017-2018, ça a attiré je te dirais 400 personnes. On s'attend à avoir à peu près 400 autour de ces chiffres-là. Si on dépasse ça, tant mieux, on va être très satisfait. OK. Et c'est sous la présidence d'honneur de Denis Lebel que sera présentée la 18e randonnée Hydro-Québec de vélo qui sera présentée le 21 au 23 juin prochain. C'est évidemment, on n'attend pas moins de 500 cyclistes qui proviennent d'un peu partout au Québec qui vont participer à cette randonnée du Haut-Lac-Saint-Jean. Il y aura des arrêts à Dolbeau-Mistassini et également aussi ce qu'il faut mentionner, c'est que Saint-Prime et Normandin vont accueillir des cyclistes lors de leur passage. C'est près de 10 millions en retombées économiques qu'a fourni aux différents commerces la randonnée depuis le début de sa fondation. Et en terminant, ben, on va vous donner des résultats de curling. C'est Super Cash Field. C'est la 48e édition du Super Cash Field qui a lieu au Saguenay. Ça, c'est le dernier tournoi de l'année au Saguenay-Lac-Saint-Jean de curling. Et Pierre Bédard a défait Daniel Bolduc par la marque de 10 à 7 hier soir au Saguenay. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Stéphane Lebeau où on fait le tour des séries éliminatoires et de la décision controversée qui s'est passée entre les Knights de Vegas et les Sharks de San Jose. Également, je me suis entretenu avec Jean-Normand Tremblay, l'un des responsables du tournoi de hockey scolaire, et aussi Yannick Harvey de la lutte JCW Gala en fin de semaine à Chibougamau. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.